الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture du livre Fusul al-Adab, écrit par le grand savant Hanbali, Abu al-Wafa, Ali ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours dernier le chapitre concernant les politesses liées aux salutations. Et nous allons voir aujourd'hui le chapitre suivant qui concerne d'autres politesses en lien avec les salutations et plus particulièrement aux poignées de main et à l'accolade. Il a dit, rahimahullah, Faslun wal musafahatu mustahabbatun bayna ar-rajulayn. Et la poignée de main est recommandée entre deux hommes. Et lorsqu'il dit entre deux hommes, cela ne signifie pas que cela est spécifique aux hommes. Mais la poignée de main est aussi recommandée pour les femmes, entre elles. La preuve nous démontrant la recommandation des poignées de main et ce que rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après Qatada qui a dit à Anas radiyallahu anhu, est-ce que les poignées de main était une chose connue et présente chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas, radiyallahu anhu, répondit affirmativement. C'est-à-dire que ils avaient l'habitude de se serrer la main lorsqu'ils se rencontraient, radiyallahu anhum. Et dans un autre hadith, jugé bon par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, d'après al-Bara, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent, puis qui se serrent les mains sans qu'ils ne soient pardonnés avant de se séparer. » Sans qu'ils ne soient pardonnés avant de se séparer. Donc on voit dans ce hadith deux choses. La première est la recommandation de serrer la main de ton frère lorsque tu le rencontres. Et ceci fait partie des choses légiférées dans notre religion. Et la deuxième chose que nous démontre ce hadith et le mérite immense de cette poignée de main. En saluant ton frère et en accompagnant cette salutation d'une poignée de main, tu obtiens par cela le pardon de tes péchés, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on voit que ceci n'est pas une chose à négliger. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a été interrogé au sujet de la poignée de main et il a dit « Celle-ci fait augmenter l'amitié, celle-ci fait augmenter l'amour entre les gens. » Et ceci est une chose apparente. Observe la situation lorsque tu rencontres ton frère et qu'il vient à toi et te serre la main. Tu vois que ceci est une marque d'amitié, une marque d'amour, et ceci mène à la concorde entre les musulmans. Contrairement à celui qui ne va pas faire cet effort et va se suffire d'une simple salutation à distance. Il se peut que les gens ressentent suite à cela une certaine froideur et un certain éloignement. Donc la poignée de main, il ne convient pas de la négliger. Premièrement car elle fait partie des choses légiférées et recommandées et deuxièmement pour le mérite que cela comporte qui est le pardon de tes péchés. Et parmi les choses liées à la poignée de main, il y a le fait qu'il est recommandé que tu ne lâches pas la main de ton frère avant que celui-ci la retire. Comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté dans un hadith authentique de Anas radiyallahu anhu qu'il a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude que lorsqu'un homme venait à lui et lui serrait la main, de ne pas retirer sa main de la sienne jusqu'à ce que l'homme la retire. » Il ne retirait pas sa main de la main de cet homme jusqu'à ce que cet homme la retire. Et parmi les sagesses qu'il y a en cela, il y a le fait de laisser le temps à cette personne de te saluer, de s'exprimer, d'exposer son besoin si elle a un besoin dont elle souhaite te faire part, et ainsi de suite. Alors que lâcher sa main rapidement pourrait mettre cette personne dans la gêne et lui laisser penser qu'on est pressé de se séparer d'elle. Donc ceci nous montre le noble comportement qu'avait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc recommandé de laisser sa main dans la main de son frère jusqu'à ce qu'il termine ses salutations et ce qu'il a à dire ou ce dont il souhaite parler. Et il est détestable que celui qui serre la main de son frère retire sa main rapidement. Mais ceci ne veut pas dire que l'on va exagérer à ce sujet. Ceci doit avoir lieu sans causer de tort à ton frère et sans t'imposer à toi-même une difficulté. C'est pour cela que les savants ont dit qu'il est détestable de retirer sa main de la main de celui à qui tu la serres avant que ce dernier ne la retire, sauf si cela a lieu par pudeur ou par crainte d'être retardé. Et d'autres ont dit que celui qui retire sa main est celui qui l'a tendue en premier. Donc si ton frère vient à toi et te tend la main, tu serres sa main, mais tu ne la retires pas tant que lui ne l'a pas retirée. Et tout ceci fait partie des politesses liées au poignet de main. Et comme on a dit, ceci est légiféré aussi bien entre deux hommes qu'entre deux femmes. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à la question des poignées de main aux femmes et il dit « Wala yajuz musafahatun nisa'i shawab li'anna dhalika yuthiru shahwa » Et il n'est pas permis, c'est-à-dire aux hommes, de serrer la main aux jeunes femmes, c'est-à-dire aux jeunes femmes étrangères, celles qui ne font pas partie des maharim, autres que l'épouse, la mère, les sœurs, les tantes, les nièces, et ainsi de suite. Et ceci d'une parole commune entre les quatre écoles, qui ne divergent pas à ce sujet. Et la raison qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, est que ceci éveille les désirs. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. Et comme l'ont mentionné les gens de science, si le regard est interdit, le toucher l'est d'autant plus. C'est à ce sujet que Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Toute personne qu'il est interdit de regarder, il est interdit de la toucher. » Et le toucher est encore plus interdit. Et il nous explique pourquoi le toucher est encore plus interdit. Il dit en effet « Il est permis de regarder la femme étrangère pour l'homme qui souhaite l'épouser, mais il ne lui est pas permis de la toucher. » Donc ceci montre que le toucher est d'autant plus interdit que le regard. Donc s'il a été ordonné à l'homme de baisser le regard, il lui est d'autant plus ordonné de s'écarter et de se préserver du toucher d'une femme étrangère. Et il y a un hadith authentique rapporté à ce sujet de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a exposé la gravité pour l'homme de toucher une femme étrangère. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'on plante une aiguille en fer dans la tête d'un homme est meilleur pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. Que l'on plante une aiguille en fer dans la tête d'un homme est meilleur pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. Ceci est la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha nous dit au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais touché la main d'une femme, c'est-à-dire la main d'une femme étrangère. À tel point que, lorsque les femmes venaient prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait « Certes, je ne serre pas la main aux femmes ». Et ils prenaient leur serment d'allégeance oralement, bien que la base et que l'allégeance a lieu avec les mains. Mais ils prenaient leur serment d'allégeance oralement, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tel était le comportement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, dans une situation aussi importante, alors que dire d'autre que lui dans des situations qui sont beaucoup moins importantes que cela? Il n'y a pas de doute que ceci est à délaisser. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme vous l'avez entendu, il a mentionné qu'il n'était pas permis de serrer la main aux jeunes femmes, c'est-à-dire aux jeunes femmes étrangères. Et on comprend de sa parole que selon lui, il serait permis à l'homme de serrer la main d'une vieille femme. Et ce car, selon cet avis, ils disent que l'éveil des désirs n'est pas présent dans cette situation. Et en réalité, ceci est discutable, car les gens ne sont pas tous semblables à ce sujet. Et ce qui n'éveille pas les désirs des uns peut éveiller les désirs des autres. Chacun est différent à ce sujet. Et ce qu'il y a de plus juste sur cette question est l'interdiction formelle pour l'homme de serrer la main d'une femme étrangère, quel que soit son âge, sans distinction entre la jeune femme et la femme plus âgée. Et ce car, les hadiths rapportés à ce sujet sont généraux et n'ont pas apporté cette distinction. Comme vous l'avez entendu dans le hadith, ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on plante une aiguille de fer dans la tête d'un homme est meilleur pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite, n'a pas précisé une jeune femme, n'a pas fait de distinction entre la jeune femme et la femme plus âgée. Et de la même manière, lorsque les femmes venaient lui prêter allégeance, il n'a pas fait la différence entre les jeunes femmes et les femmes plus âgées. Mais il a dit « Certes, je ne serre pas la main aux femmes, de manière générale. » Donc ceci est ce qu'il y a de plus juste à ce sujet. Il n'y a pas de différence entre la jeune femme et la vieille femme concernant la poignée de main. Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a été interrogé à ce sujet. L'homme peut-il serrer la main de la femme? Il répondit que non, et il fut très strict à ce sujet. Et parmi les points que j'aimerais souligner concernant cette question est que l'interdiction n'est pas spécifique aux hommes. Car souvent quand on entend parler de ce sujet, on entend parler d'hommes qui ne serrent pas la main aux femmes. Mais ceci est également valable pour la femme. Il ne lui est pas permis de serrer la main d'hommes étrangers. L'interdiction, elle va dans les deux sens. De la même manière que l'homme ne serre pas la main d'une femme étrangère, la femme ne serre pas la main d'un homme étranger. Et ça, c'est très important à souligner, car certaines personnes utilisent ce genre de législation pour dénigrer la religion de l'islam, en pensant qu'il y aurait dans celle-ci un abaissement et un avilissement de la femme. Et ils vont présenter les hommes comme de méchants hommes qui veulent rabaisser la femme. Ils ne veulent pas lui serrer la main, ils ne veulent pas la toucher. Mais en réalité, le jugement est dans les deux sens. La femme, elle aussi, ne veut pas serrer la main de l'homme. Elle ne veut pas le toucher, car c'est un homme étranger. Et telle est la règle à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Wala ba'sa bil mu'anaqa » Et il n'y a pas de mal dans l'accolade. Ce qui apparaît de la parole de l'auteur est que l'accolade est permis de façon absolue. Et cela est permis si cela est fait de sorte à manifester son respect et à honorer celui à qui on fait l'accolade si celle-ci a lieu en raison de la religiosité de cette personne et non pas pour des raisons mondaines. Et parmi les gens de science, certains ont précisé que l'accolade est spécifique à celui qui revient de voyage ou autre situation similaire comme une personne que l'on n'a pas vue après une longue absence. Comme le démontre le hadith authentique rapporté par Anas radiyallahu anhu qui a dit « Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se rencontraient, ils se serraient la main et lorsqu'ils revenaient de voyage, ils se faisaient l'accolade. » Donc lors des rencontres, ils se serraient la main comme on vient de le voir. Et lorsque l'un d'entre eux revenait de voyage, il lui faisait l'accolade. Il est donc légiféré de faire l'accolade à ton frère lorsqu'il revient de voyage ou autre situation similaire. Et celle-ci n'a pas lieu à chaque rencontre. Certaines personnes se font l'accolade à chaque fois qu'ils se voient. Et ceci est détestable. Al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de l'accolade qui est permise. Et il mentionne plusieurs cas. Il dit « Quant à ce qui est permis, c'est lors des adieux, lors du retour de voyage, lorsque l'on n'a pas vu son ami depuis une longue période, et aussi en raison d'un amour fort en Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est-à-dire qu'il a mentionné la permission de l'accolade pour ces raisons. Lorsque quelqu'un part en voyage avant de partir, il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse l'accolade à ses proches, à ses amis. Et de la même manière lorsqu'il revient de voyage. Aussi lorsque tu n'as pas vu un ami, une personne qui t'est chère, durant une longue période, il n'y a pas de gêne à lui faire une accolade lorsque tu le rencontres. Et également, il n'y a pas de gêne si cela est pour manifester l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala pour ce frère à qui tu fais l'accolade. Et comme pour les poignées de main, ceci est valable entre hommes, mais également entre femmes. Et également, l'homme avec les femmes qui ne lui sont pas étrangères parmi ses maharim, et la femme avec les hommes qui ne lui sont pas étrangers parmi ses maharim. Parmi les situations où on observe également les gens se faire l'accolade, il y a au moment des condoléances. Vous avez certainement vu, lors des prières mortuaires, que nombre de personnes ont pour habitude de se rendre vers la famille du défunt pour lui présenter les condoléances, et on observe parfois qu'ils se font la collade. Et ce qu'il y a de mieux à ce sujet est de délaisser la collade dans cette situation et de se suffire de la poignée de main, comme l'a mentionné l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَتَقْبِيلِ الرَّأْسِ وَالْيَدِ » Il dit donc qu'il n'y a pas de mal dans la collade et également dans le fait d'embrasser la tête et la main. Concernant le fait d'embrasser la tête, on trouve comme preuve de la légitimité de cela le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha. Lorsque celle-ci a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, de ce dont elle fut injustement accusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Réjouis-toi, ô Aïcha, Allah a certes fait descendre ton innocence. » C'est-à-dire, il a révélé des versets démontrant l'innocence de Aïcha radiallahu anha. Ses parents lui ont alors dit « Lève-toi et embrasse la tête du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Et concernant le fait d'embrasser la main, il y a certains récits des pieux prédécesseurs, rahimahumallah ta'ala, qui sont rapportés à ce sujet et qui indiquent la permission de cela au moment des salutations. Et les savants ont divergé à ce sujet. Certains d'entre eux ont considéré que cela était détestable, en raison de certains méfaits qui peuvent en découler, comme le fait que la personne à qui on embrasse la main soit prise d'orgueil et de vanité, comme c'est le cas de certaines personnes qui se sentent ensuite supérieures aux autres et vont même parfois jusqu'à délaisser la poignée de main ou pire encore tendre leurs mains pour que les gens viennent leur embrasser la main, wal'iyadu billah. Et d'autres savants ont autorisé cela, comme c'est le cas de l'auteur ici, rahimahullah, mais ils ont émis certaines conditions. Et lui, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, il n'y a pas de mal dans l'accolade et aussi dans le fait d'embrasser la tête et la main. Pour qui ? L'iman yakunu min ahli din aw il ilm aw kibar sin fil islam. Pour ceux qui font partie des gens de religion ou des gens de science ou des personnes âgées en islam, personnes âgées musulmanes. Et on peut ajouter aussi à ce qu'a mentionné l'auteur le fait d'embrasser la tête ou les mains des parents. Quant au fait d'embrasser la main ou la tête d'une personne qui serait respectée et révérée pour des raisons mondaines, comme une personne riche ou une personne qui a un certain pouvoir ou autre chose semblable, alors les gens de science ont dit que cela est fortement réprouvable, cela est détestable. Et certains ont même dit que cela est interdit. Donc pour résumer cette question, il n'y a pas de mal à embrasser la tête ou à embrasser la main des personnes vertueuses, des personnes de science, des parents, des personnes âgées ou autres cas semblables. Et parmi les conditions qu'ont mentionné les gens de science, il y a le fait que ceci ne devienne pas une habitude, que ceci n'ait pas lieu constamment. Également, ils ont dit que ceci ne devait pas mener à la vanité pour celui de qui on embrasse la tête ou la main. Car si on ressent que la personne peut être conduite à cela par cet agissement, alors il conviendra de le délaisser. Et également, ils ont mis comme condition que ceci ne devait pas remplacer la poignée de main. Certaines personnes, ils vont saluer un homme de science. Ils ne vont pas lui serrer la main. Ils vont directement lui embrasser la tête. Et en agissant ainsi, ils ont délaissé ce qui est légiféré, ce qui est meilleur, qui est la poignée de main. Nul gêne à toi si tu souhaites lui embrasser la tête, si c'est une personne digne de cela et qu'il n'y a pas de méfait, mais commence tout d'abord par lui serrer la main. Car c'est cela qui est légiféré et recommandé lors de la rencontre et des salutations. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ وَالْوَالِدَيْنِ وَأَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْكَرَمِ وَالنَّسَبِ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ هَهُلَا » Et il est recommandé de se lever pour le dirigeant juste, pour les parents, pour les gens vertueux, les gens pieux, les gens de science, les gens honorables et les gens proches. Et cela n'est pas recommandé pour autre qu'eux. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il aborde ici la question du fait de se lever lorsqu'on rencontre une personne ou lorsque celle-ci arrive. Et ils nous disent que cela est recommandé pour le dirigeant juste. Et ils ont expliqué cela par le fait de l'honorer en raison de son rang. Et également pour les parents. et ils ont dit que ceci fait partie de la bonté envers eux et de la révérence qui leur est due. Et ils ont mentionné les gens de science, les gens vertueux et ainsi de suite parmi les catégories qu'il a mentionnées. Et ils ont cité comme preuve le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux Ansar, lorsque Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, arrivait, « Levez-vous vers votre maître, levez-vous vers votre chef. » Donc Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, c'était un noble compagnon faisant partie des Ansar. Et ils ont mentionné aussi comme preuve le récit du repentir de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Lorsqu'on se repentir fut accepté, il dit « Talha ibn Ubaidillah s'est levé en ma direction et s'est hâté pour me serrer la main. » Et ce hadith est également rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc à partir de cela, ils ont dit qu'il est permis de se lever pour la personne dans ces situations. Et il dit, rahimahullah, et cela n'est pas recommandé pour autre que, comme le fait de se lever pour des personnes perverses, des personnes mauvaises, des personnes connues pour la pratique des péchés, des personnes connues pour leur corruption, ou alors de se lever pour une personne, car on la respecte ou la révère pour des raisons mondaines. Ceci n'est pas recommandé. Donc ceci est l'avis de l'auteur, rahimahullah ta'ala, concernant cette question. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a mentionné 3 cas de figure à ce sujet. Et il a fait la distinction entre 3 situations. Le fait de se lever et de se tenir debout à côté d'une personne qui est assise. Le fait de se lever vers une personne lorsqu'elle arrive et le fait de se lever pour une personne lorsqu'on la voit. Le premier cas, c'est le fait de se tenir debout et de se lever à côté d'une personne qui est assise. Et ceci est interdit comme l'a mentionné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. La preuve à ce sujet est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les compagnons sont restés debout alors que lui priait assis, il a dit, vous avez failli faire la même chose que les Perses et les Romains qui restent debout devant leur roi alors qu'eux sont assis. Ne faites pas cela. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit que ceci est l'agissement des tyrans qui forcent les gens à rester debout alors qu'eux sont assis. Toutefois, il est à souligner que ceci est interdit si cela est fait par révérence pour la personne qui est assise. Mais s'il y a un besoin en cela, si par exemple une personne a besoin de rester debout à côté d'une personne assise, pour la protéger et monter la garde. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Et il y a un hadith nous démontrant la permission. Le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu. Lorsqu'il est resté debout, aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tenant avec lui son épée et portant sur sa tête un casque. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc il se peut dans certaines situations qu'un dirigeant, une personne de science ou autre ait besoin d'être surveillé et protégé, et que les gardes se tiennent à ses côtés bien que ce dernier soit assis. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala, car l'objectif n'est pas de révérer cette personne, mais de la protéger et de veiller sur sa sécurité. La deuxième situation mentionnée par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est le fait de se lever, non pas pour une personne, mais vers une personne, et ce lorsqu'elle arrive. Tu vois quelqu'un arriver, tu es assis, alors tu te lèves et t'approches d'elle pour la saluer. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Et c'est cela qui est visé par les 2 hadiths précédents que l'on a mentionnés. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar de se lever vers leur chef, vers Sa'd ibn Mu'adh. Il ne leur a pas dit « levez-vous pour votre chef », mais il leur a dit « levez-vous vers votre chef ». Ils se sont donc dirigés vers lui. Et il en est de même concernant le hadith de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Il nous dit que Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, s'est levé vers lui et s'est hâté pour lui serrer la main. Et on a aussi à ce sujet le hadith de Aisha, radiyallahu anha, lorsqu'elle décrit Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous dit qu'elle était parmi les gens celle qui ressemblait le plus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa conduite et son attitude. Puis elle dit, lorsqu'elle venait auprès de lui, il se levait vers elle. Il se levait vers elle. Il la prenait par la main. Il l'embrassait et l'asseyait à sa place. Et lorsque lui entrait auprès d'elle, elle se levait vers lui. Elle prenait sa main. Elle l'embrassait et elle l'asseyait à sa place. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha. La troisième situation est le fait de se lever pour une personne lorsqu'on la voit. Les gens sont dans une assise, une personne entre et tous les gens se lèvent. Et c'est sur cette question que les gens de science ont divergé. Certains, comme l'auteur, ont dit qu'il n'y a pas de mal si cela est fait pour les gens de science, pour le dirigeant juste, pour les parents. Et d'autres ont interdit cela et ne l'ont permis que pour celui qui revient de voyage ou autre situation semblable. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a mentionné qu'il convenait de délaisser le fait de se lever lors de la rencontre d'une personne. Car ceci ne faisait pas partie des habitudes des compagnons radiyallahu anhum. Ils ne se levaient pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne se levaient pas les uns pour les autres. Anas radiyallahu anhu a dit à ce sujet, il n'y a pas une personne qui était plus aimée pour eux, c'est-à-dire plus aimée par les compagnons radiyallahu anhum, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il le voyait, il ne se levait pas, et ce, car il savait qu'il réprouvait cela, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une chose qu'il ne convient pas de faire. Toutefois, les gens de science ont dit que si ceci fait partie des coutumes des gens, c'est-à-dire qu'ils se sont habitués à se lever lorsque l'un d'entre eux arrive, et que si quelqu'un reste assis, alors ceci est considéré comme une forme d'animosité envers cette personne. Alors dans ce cas-là, les gens de science ont dit qu'il n'y a pas de gêne à se lever, non pas pour la personne, mais pour repousser ce sentiment d'animosité. Car ceci est un mal qu'il convient de repousser. Également parmi les choses à souligner sur cette question, il y a le fait que celui pour qui on se lève, ou vers qui on se lève, il lui convient de réprouver cela aussi bien en apparence qu'en lui-même. En apparence, c'est-à-dire qu'il doit ordonner aux gens de rester assis et de ne pas se lever. Et en son fort intérieur, il doit détester cela. La preuve à ce sujet est le hadith dans lequel il est rapporté qu'un jour Muawiyah radiyallahu anhu est entré dans une maison dans laquelle se trouvaient Abdullah ibn Amir et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum. Alors, Abdullah ibn Amir s'est levé tandis que Abdullah ibn Zubayr est resté assis et ne s'est pas levé. Alors, Muawiyah radiyallahu anhu a dit à ibn Amir, assis-toi. On voit donc qu'il l'a réprouvé par la parole. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui à qui il plaît que les gens se tiennent debout devant lui, qu'il prépare sa place en enfer. » Celui à qui il plaît que les gens se tiennent debout devant lui, qu'il prépare sa place en enfer. Donc ceci est une menace sévère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi parmi les choses liées aux actions accomplies lors des salutations, il y a ce qui est pratiqué par certaines personnes qui se courbent et s'inclinent pour saluer. On retrouve cela chez certains peuples et également on retrouve cela dans la pratique de nombreux sports. Et les gens de science ont dit que ceci fait partie des innovations interdites. De se courber à la manière de l'inclination lors d'une rencontre ou pour saluer les gens. Et ce, si cela est simplement fait à titre de salutation, on dira que c'est interdit. Mais si l'objectif derrière cela et l'intention est de révérer la créature pour laquelle on s'incline, de la même manière que l'on révère Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne fait aucun doute que ceci relève de la mécréance et de l'apostasie, de la même manière que si une personne se prosternait pour une créature. Enfin, parmi les actions louables à accomplir lors des rencontres et des salutations, il y a le fait d'avoir un visage souriant. Ceci fait partie des choses par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. de rencontrer ton frère avec un visage radieux, un visage souriant, et non pas un visage renfrogné. Et il est certes venu, dans de nombreux hadiths, que le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, un visage radieux, est une bonne action, par laquelle tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si la poignée de main est une cause pour augmenter l'amitié et l'amour entre les frères en religion, alors le sourire ne fait qu'ajouter à cela, bi'inillahi ta'ala. Tandis que le visage fermé, le visage renfrogné, peut être une cause de nombreux méfaits et de l'animosité. Wallahu al-musta'an. On a donc terminé avec ce chapitre et on verra dans leur cours prochain, inshallah ta'ala, certaines politesses liées au comportement à avoir dans les assises. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.